Come on. Tout petit, moi j'ai dû faire du R&B, porter de grosses casquettes New York City, et puis marcher sur mon baggy. Depuis tout petit, je veux m'habiller comme XXXXXXL, crier dans les soirées, vous êtes dans la vibes? Ouais. Depuis tout petit, moi je veux faire du R&B, danser sur des musiques électroniques du style. Tout petit, je ne rêve que de ça jour et nuit, que tout le monde se bouscule pour mes concerts, que les filles s'arrachent mon poster. Mais j'ai pas le style, je sais même pas danser, j'ai l'air ridicule quand je dis comment baby. J'ai pas le style, je sais même pas chanter, c'est pas si facile de dire comment baby. Tout petit, j'essaye de m'adapter, je dis plus je t'aime, je dis t'es ma number one, je dis plus chérie, je dis my bitch. Et j'ai même appris à accoster en R&B. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, s'il te plaît, passe-moi ton numéro. Je sais que t'as kiffé mon flow, allez, passe-moi ton numéro. Je vais te faire visiter mon appart. Ce soir, y'a pas moyen que tu partes. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, mais non, c'est pas une tragédie, c'est juste mon état d'esprit. Et j'ai pas le style, je sais même pas danser, j'ai l'air ridicule quand je dis comment baby. Mais j'ai pas le style, je sais même pas chanter, c'est pas si facile de dire comment baby. Tout petit, moi je veux faire du R&B pour qu'une fois dans ma vie des filles dorment pour moi autour d'une piscine. Et comme dans leur clip, je veux conduire de grosses berlines, mettre des boucles d'oreilles de chaque côté sans avoir l'air efféminé. Depuis tout petit, moi je veux faire du R&B. Come on. J'ai pas le style, je sais même pas danser, j'ai l'air ridicule quand je dis comment baby. Mais j'ai pas le style, je sais même pas chanter, j'ai l'air ridicule quand je dis comment baby. Mais j'ai pas le style, je sais même pas danser, j'ai l'air ridicule quand je dis comment baby. Mais j'ai pas le style, je sais même pas chanter, c'est pas si facile de dire comment baby.